Activité 1, page 39. Observez les illustrations, puis écoutez l'enregistrement. Excusez-moi, madame, je peux vous poser quelques questions sur vos activités quotidiennes? Si c'est rapide. Que faites-vous dans la vie? Je m'occupe de mes 3 enfants et je travaille pour mon mari. À quelle heure vous vous levez le matin? À 6h30. Je prépare le petit déjeuner et après je réveille toute la famille à 7h. Comment vos enfants vont-ils à l'école? Je les accompagne en voiture. Vous rentrez directement? En général, oui. Je fais un peu de ménage et je commence à travailler. Que faites-vous? Du secrétariat. Je m'occupe des lettres et des factures. Et le soir? Je vais chercher les enfants à l'école, je surveille les devoirs. Après le dîner, je regarde souvent la télé avec mon mari. Merci beaucoup, madame.